بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa générosité, nous poursuivons inshallah l'explication du chapitre Kitab al-Siyam, le livre donc du jeûne, de l'épître Umdat al-Fiqh de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahmatullah alayhi. Donc lors du dernier dars, nous avions expliqué les notions qui annulent le jeûne. Et aujourd'hui, nous commençons donc un nouveau chapitre qui est Babu Siyam al-Tatawwu'. Babu Siyam al-Tatawwu'. Bab, on en connaît la définition. Siyam, donc c'est le jeûne. On en avait donné l'explication linguistique ainsi que législative. Donc, as-siyam, dans la langue arabe, c'est l'abstinence. S'abstenir de parler, c'est un siyam. S'abstenir de bouger, c'est un siyam. S'abstenir de quelque chose que ce soit, c'est un siyam, donc une abstinence. Donc, dans la langue arabe, c'est l'abstinence. El-imsek. Alors que dans le sens législatif, nous avions dit que c'était « At-ta'abboudou lillah », donc l'adoration d'Allah, « bil-imsak an-il-mufattirat », en s'abstenant des annulatifs du jeûne, « min tulou' al-fajr al-thani », du lever de l'aube véridique, le second aube, « ila ghuroub al-shamsi », jusqu'au coucher du soleil. Donc il dit ici « babu siyam al-tatawwa ». La porte, le chapitre concernant le jeûne, donc recommandé, le jeûne facultatif. At-tatawwu', l'imam al-Jawhari, rahimahullah, un savant dans la langue arabe, a dit « Tatawwa'a takallafa istita'atah ». Donc le tatawwu', quelqu'un qui a fait le tatawwu', l'imam al-Jawhari dit, c'est quelqu'un donc qui s'est chargé de faire son possible. De faire son possible. « Wat-tatawwu' bi shay'i at-tabarru'u bih ». C'est faire le tatawwa' bi shay, ça veut dire que la personne en a fait le don. La personne en a fait le don. Mais ce qui est visé ici, de manière spécifique, c'est le jeûne qui est recommandé. Quand on dit siyam ou tatawwa', c'est le jeûne recommandé. Donc on va exclure de ce chapitre-là le jeûne donc du mois de Ramadan, on ne va pas le mentionner. On ne va pas non plus mentionner le jeûne du nidr, donc de la promesse que l'on a fait à Allah subhanahu wa ta'ala, et de même le jeûne des kaffarat. Donc il dit, rahmatullahi alayh, afdalu siyami siyamu Dawuda alayhi salam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawma. Le meilleur des jeûnes est le jeûne de Dawud alayhi salam. Il jeûnait un jour et rompait son jeûne un jour. Donc il dit dans cette expression, l'imam Ibn Qudama, que le meilleur des jeûnes, vise-t-il le meilleur des jeûnes de manière absolue, ou bien le meilleur des jeûnes surérogatoires? La réponse est la seconde, le meilleur des jeûnes surérogatoires. Car le meilleur des jeûnes de manière absolue est le jeûne du mois de Ramadan, puisque c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Donc, afdalu siyam, le meilleur des jeûnes, c'est-à-dire sous-entendu surérogatoire, siyam ou Daouda, alayhi salam, est le jeûne de Daoud, donc le prophète Daoud, alayhi salam. Il jeûnait un jour et rompait donc son jeûne un jour. Donc, il mangeait une journée et jeûnait une journée, alayhi salam. Et ceci a été rapporté de manière authentique dans la sunnah, donc dans le hadith suivant, an Abdillah ibn Amr, radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما المسجد الله صلى الله عليه وسلم دي صم من كل شهر ثلاثة أيام جن de chaque mois trois jours. قلت جدي donc عبد الله ابن عمر ابن العاص dit إني أقوى من ذلك, donc je peux supporter plus que cela. فلم يزل يرفعني حتى قال. Donc le prophète alayhi salatu wa salam ne cessa donc de diminuer le jeûne que voulait faire Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Nous allons raconter l'histoire ensuite. حتى قال, jusqu'à ce que dit le prophète alayhi salatu wa salam, sum yawman wa aftir yawman. jeûne un jour et rompt ton jeûne un jour. فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ car c'est le meilleur des jeûnes. وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ et c'est le jeûne de mon frère Daoud عَلَيْهِ السَّلَامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. Donc Abdallah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma donc était un jeune compagnon qui s'était marié. Et le prophète alayhi salatu wa salam est le père de Abdullah, donc Amr ibn al-As, quelques jours après le mariage de son fils, est passé voir la mariée et a demandé des nouvelles de son fils. Et lorsqu'il lui a dit comment est-ce que cela se passait, lorsqu'il lui a demandé comment est-ce que cela se passait, elle lui répondit, donc cette vertueuse femme, que Abdullah ibn Amr ibn al-As jeûnait donc tous les jours et récitait tout le Coran chaque nuit. Et Amr ibn al-As est allé informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a donc convoqué, lui a dit Balaghani annaka taqoumu al-layla wa tasoumu an-nahar. Il m'est parvenu que tu te lèves donc toutes les nuits, tu récites le Coran toutes les nuits et tu jeûnes toutes les journées. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma certes confirmé, et le prophète alayhi salatu wa sallam l'a donc exhorté à diminuer son jeûne et lui a proposé donc différents rythmes jusqu'à lui proposer le rythme de Daoud alayhi salam, et de même il lui a ordonné de diminuer donc sa lecture du Coran jusqu'à ce qu'il atteigne la lecture du Coran complet tous les vendredis, c'est-à-dire toutes les semaines. Et ce qu'a fait donc Abdullah ibn Amr ibn al-As, et il a même dit donc lorsqu'il avait atteint un certain âge, laytani qabiltu rukhsatan nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si seulement j'avais accepté donc la dérogation du prophète alayhi salatu wa sallam. Et à la fin de sa vie, c'était dur pour lui de jeûner un jour sur deux, alors il mangeait plusieurs journées pour pouvoir ensuite en jeûner plusieurs, pour pouvoir prendre des forces et en jeûner ensuite plusieurs. Donc il mangeait par exemple 4-5 journées pour pouvoir ensuite en jeûner 4 ou 5. C'était pour lui plus facile que d'alterner une journée de jeûne et une journée donc où il était en rupture. Et on prend de ce hadith-là que souvent les jeunes ont envie de faire des choses qui parfois sont au-delà de leur capacité. Pourtant Abdallah ibn Amr ibn al-As est dans une époque bénie, entouré des compagnons, il est lui-même un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam observait, l'a exhorté donc à la modération donc dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, inna Allah la yamal hatta tamallu. Allah ne se lassera pas, mais c'est vous qui vous lasserez donc de l'adoration. Donc la modération dans l'adoration c'est demandé, car ce qui est demandé aussi c'est l'istiqama, donc la régularité dans l'adoration. Et celui qui prend un rythme, il est censé le garder, inshallah, et même voir augmenter ce rythme-là, bihawlillahi azza wa jal. Donc, il est demandé, bihawlillahi azza wa jal, de faire preuve de modération. Ce qui ne veut pas dire que non plus, il ne faut pas avoir une grande envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de forte détermination. Non, c'était le cas des compagnons, radiallahu anhum. Mais il faut, bihawlillahi azza wa jal, se jauger soi-même pour pouvoir prendre une adoration et un rythme bi'idhnillah qu'on ne lâchera pas, comme ça a été le cas de beaucoup de frères et de sœurs qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala à un niveau qui n'était pas le leur. Donc ce hadith-là est un texte clair et évident selon lequel le jeûne de Daoud alayhi salam est le meilleur des jeûnes. Qu'a dit le prophète alayhi salatu wa salam? فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ, c'est le meilleur des jeûnes. Jeûner une journée et donc rompre son jeûne une autre journée. Il dit ensuite donc l'imam Ibn Qudamah rahimahullah, wa afdalu siyam ba'da shahri ramadan shahrullah alladhi yad'unahu al-muharram, et le meilleur des jeûnes après le jeûne du mois de Ramadan et le mois d'Allah qu'ils appellent al-muharram. Donc ici, l'auteur nous dit que le meilleur des jeûnes, après le jeûne donc obligatoire du mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois Al-Muharram. Donc tout à l'heure, nous parlions du meilleur jeûne en termes de rythme à adopter. Le meilleur des rythmes, c'est alterner une journée de jeûne et une journée où l'on ne jeûne pas. Ici, c'est en termes de période. Quelle est la meilleure des périodes en dehors donc, du mois de Ramadan? C'est le mois de Muharram. C'est le mois d'El Muharram. Et quelle est la preuve donc, de ceci? C'est le hadith suivant. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qal Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ayyus salati afdal Ayyus salati afdal ba'd al-maktouba. Le prophète alayhi salatu wa sallam a été questionné. Quelle est la meilleure des prières après la prière obligatoire? Après la prière obligatoire. Il répondit As-salatu fi jawfi al-layl. La prière au milieu de la nuit. Qila fa ayyus siyami afdalu ba'd Ramadan. Quel est le jeûne? Donc quel est le meilleur jeûne après le mois de Ramadan, après le jeûne de Ramadan? Il répondit Shahrullah al-Muharram. Il répondit le mois d'Allah al-Muharram, rapporté par Al-Jama'ah sauf Al-Bukhari. Donc rapporté par Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidhi, Abu Daoud ibn Majah et Ahmed. Al-Jama'ah c'est les 7 sauf Al-Bukhari ici. Al-Jama'ah c'est les 7, mais Al-Bukhari n'a pas rapporté ce hadith-là. Donc le mois d'Al-Muharram, qui est le premier mois de l'année, donc lunaire, hein, musulmane, c'est donc le meilleur des mois à jeûner après le jeûne du mois de Ramadan. Après le jeûne du mois de Ramadan. Donc il est fortement recommandé de jeûner autant que possible ce mois-là, même s'il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, donc ne complétait jamais le jeûne d'un mois, si ce n'est celui du mois de Ramadan. Donc il est recommandé d'en jeûner, inshallah, la majorité. Et parmi donc les journées du mois d'Al-Muharram, il y a deux journées donc qui sont beaucoup plus recommandées que les autres. Il y a donc la journée de Ashura, la journée de Ashura, qui est la dixième journée, le jour numéro 10 du mois de Al-Muharram, et Tasu'a, qui est le neuvième jour. Et nous allons, Inch'Allah, les voir ensuite, car il y a des paroles citées par Ibn Qudama qui sont spécifiques à ces deux journées-là. Donc le meilleur des jeûnes après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Al-Muharram. Donc il est recommandé d'en jeûner le plus possible de journées, mais sans le compléter, Allah a'lam, du fait que le prophète alayhi salatu wa sallam ne complétait jamais le jeûne d'un mois, si ce n'est celui du mois de Ramadan. Mais il n'est pas interdit, Allah a'lam, de compléter ce mois-là. Il dit ensuite وَمَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. Il dit et les journées où les actes sont les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont donc les 10 jours de Dhul-Hijjah. Donc les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah sont des journées où les actions donc pieuses sont les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une période pendant laquelle les actions vertueuses sont aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que durant toute autre période. Et ceci nous est rapporté donc dans un hadith authentique d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc qui dit قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. ابن عباس رضي الله عنهما dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit donc il n'y a pas de journée, il n'y a pas de journée où les actes sont plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que durant les 10 jours donc de Dhul-Hijjah. Les 10 jours, pardon, de Naam, c'est de Dhul-Hijjah ici, de Dhul-Hijjah. Qalu ya Rasulallah, ils disent ô messager d'Allah, wala al-jihad fi sabilillah, même pas le jihad fi sabilillah. Il dit et non plus le jihad fi sabilillah. Donc les actes vertueux, donc les actions pieuses pendant ce mois-là sont préférées à Allah subhanahu wa ta'ala, donc même plus que le jihad fi sabilillah. Il dit même pas le jihad fi sabilillah, sauf un homme donc qui sort avec son argent et aussi sa personne et qui revient avec rien de tout cela. Donc il meurt martyr fi sabilillah, rapporté par Al-Bukhari. Donc qu'est-ce que l'on tire de ce hadith-là? C'est que pendant les 10 premiers jours de Zilhijjah, les actes donc pieux, de manière générale, sont aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une règle générale qui englobe tout. Qui englobe le jeûne, qui englobe la lecture du Coran, qui englobe le fait de lier les liens de la parenté, qui englobe le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les actions donc, qui sont jugées législativement comme étant des actions pieuses, elles sont de manière plus accentuée aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala durant cette période qui sont les 10 journées donc de Dhilhijja, les 10 premiers jours de Dhilhijja. Donc de ce caractère général, donc de cette recommandation générale d'œuvrer pendant cette période-là, il est donc recommandé alors de jeûner. Mais pendant les 9 premiers jours et non pas les 10 jours, car le 10e jour, quel est-il? Ce 10e jour-là, c'est le jour d'Al-Eid, Eid al-Adha. Ce 10e jour-là, c'est Eid al-Adha. Donc on va voir qu'il y a le 9e jour qui est le jour de Arafah. Le 9e jour, c'est le jour de Arafah. Et il est recommandé très fortement de le jeûner, comme on va le voir, Inch'Allah, ensuite. Sauf pour celui qui est pèlerin, qui est là-bas, à Arafah. Il n'est pas recommandé pour lui de le jeûner. Mais pour les personnes qui ne sont pas donc dans les rites du Hajj, il est recommandé donc de jeûner ces 9 jours, donc ces 9 premiers jours de Dhilhijja. Donc le caractère recommandé d'augmenter les bonnes actions, c'est pendant les 10 jours. Le jour de Arafah est inclus, mais le jour de Arafah, le jour d'Al-Eid est inclus, mais le jour d'Al-Eid ne doit pas être jeûné. Il est interdit de le jeûner, donc on dit que ce sont seulement les 9 premiers jours qui doivent être jeûnés. Mais il n'y a pas de raison d'accentuer donc la recommandation sur le jeûne plus que sur toute autre action, ce qui est le cas aujourd'hui comme on peut l'observer déjà. Donc les gens pensent qu'il y a un caractère recommandé de jeûner plus que, par exemple, de lire le Coran ou de lier les liens de la parenté ou d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de hadith clair sur le fait que pendant cette période-là, il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. Même Aïcha radiallahu anha dit qu'elle n'a jamais vu le prophète alayhi salatu wa sallam jeûner ces jours-là. Et ça, c'est rapporté dans le hadith suivant. An Aïcha radiallahu anha qalat, ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sa'iman fil ashari qatta, rawahu muslim. Aïcha dit, je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en état de jeûne pendant les 10 premiers jours de Dhilhijja, rapporté par Muslim. Donc qu'est-ce qu'elle nous montre? Que elle n'a jamais vu le prophète alayhi salatu wa sallam en état de jeûne. Certains disent que ça c'est mablaru ilmiha, c'est ce qu'il a atteint comme science. Et le fait qu'elle ait rejeté le fait d'avoir vu le prophète alayhi salatu wa sallam en état de jeûne pendant cette période, ceci n'implique pas obligatoirement que le prophète alayhi salatu wa sallam ne jeûnait pas. Mais lorsqu'on qualifie quelqu'un comme n'étant pas en état de jeûne, ça veut dire qu'on l'a vu manger ou boire ou qu'il y a eu rapport. C'est par cela que l'on juge que quelqu'un n'est pas en état de jeûne. Donc Aïcha, lorsqu'elle nous dit qu'elle n'a jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en état de jeûne pendant ces 10 journées-là, ça veut dire que sûrement elle a vu donc faire des choses qui vont à l'encontre du jeûne, comme boire, manger ou autre. Donc ça, c'est une preuve que le prophète alayhi salatu wa salam, donc lam yakun yuwadhibu ala siyami hadhihi al-ayyam. Le prophète alayhi salatu wa salam donc ne faisait pas ça fréquemment. Il ne jeûnait pas ces journées-là tous les ans. C'est pour cela que certains savants disent que ce n'est pas une sunna ratiba que tu dois faire tous les années, que tu dois faire tous les ans et ne jamais lâcher. Et aujourd'hui, on voit que les gens donnent une importance extrême à ces 9 journées-là, mais qu'il y a une négligence sur la lecture du Coran, par exemple, ou l'augmentation du dhikr, ou de toute autre action qui entrerait dans le caractère général donc du hadith ibn Abbas disant que c'est une période pendant laquelle les actes sont les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le hadith de Hafsa, hein, le hadith suivant, dans lequel elle dit radiyallahu anha arba'un lam yakun yada'uhunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam siyamu yawmi ashura wal ashri wa thalathati ayamin wa thalathati ayamin min kulli shahr wa rak'atayn qabla al ghada rawahu ahmad wa an-nasa'i wa ibn hibban wa da'afahu al ba'd. Donc Hafsa dit radiyallahu anha, quatre choses le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne les délaissait jamais: le jeûne du jour de Ashura et les 10 jours, donc ce qui est sous-entendu les 10 jours donc du début du mois de Dhul-Hijjah, elle veut dire par 10 les 9 jours, et 3 jours de chaque mois, et les 2 rak'ah avant Al-Ghada, c'est-à-dire avant la prière du Dhuhr. Rawah Ahmed, rapporté par Ahmed, et An-Nasa'i, Ibn Hibban, et certains l'ont affaibli. Donc ce hadith-là, il est faible chez beaucoup de savants. Il est muttarib dans le matn, dans son texte et dans sa chaîne de transmission. Il y a un ittirab, un déséquilibre. Enfin, Allah a'lam, beaucoup l'ont affaibli. Et la faiblesse de ce hadith-là et la forte divergence qu'il y a autour de lui ne permet pas, Allah a'lam, de légiférer sur le caractère donc spécifique de la recommandation de ces 9 jours. Mais ça reste recommandé, inshallah. Donc par rapport au caractère général du hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, mais il n'y a pas recommandation donc plus spécifique que toute autre action durant cette période-là, wallahu a'lam. Il dit ensuite: ومن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. Il dit: et celui qui jeûne le mois de Ramadan et donc qui le fait poursuivre, c'est-à-dire qu'il jeûne ensuite après avoir jeûné le mois de Ramadan 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. C'est comme s'il avait jeûné toute l'année de manière continue. Donc vous remarquerez que les expressions utilisées par l'imam Ibn Qudama ici dans son texte, de manière générale, sont tirées donc directement des paroles du prophète alayhi salatu wassalam dans les hadiths. Et donc ce qu'il vient de citer, c'est tiré du hadith suivant. عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر رواه مسلم. Donc Abu Ayyub رضي الله عنه dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui a jeûné le mois de Ramadan puis l'a fait suivre par 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné donc toute l'année. Ceci donc est le jeûne de toute l'année, rapporté par Muslim. Donc il est fortement recommandé aussi de jeûner 6 jours du mois de Shawwal, donc qui est le mois qui suit le mois de Ramadan. Et ces 6 jours-là, donc le mieux, selon tous les savants, c'est de commencer le deuxième jour de Shawwal. Donc il est haram, interdit de jeûner le jour d'Al-Eid. Le jour d'Eid al-Fitr, il est interdit de le jeûner, comme on le verra durant le cours prochain, tout comme il est interdit de jeûner le jour de Eid al-Adha et les 3 jours qui suivent Eid al-Adha, qu'on appelle Ayyam al-Tashariq. Donc le premier jour de Shawwal, qui est Eid al-Fitr, le jour donc de la fête, de rupture du jeûne, il est interdit de jeûner. Donc il est recommandé de commencer dès le deuxième jour de Shawwal. Et Eid al-Fitr ne dure pas 3 jours comme les gens pensent souvent. Communément, ils pensent que il y a 3 jours. Eid Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum. Pendant 3 jours, 4 jours, une semaine. Parfois, il y en a, c'est la moitié de Shawwal, ils sont encore en train de dire Taqabbal Allahu minna wa minkum. Non, l'Eid, il est passé. Le Eid, c'est le premier jour de Shawwal. Et à partir du deuxième jour, il est recommandé de commencer ces 6 jours donc de Shawwal. Et le mieux, c'est jeûner 6 jours consécutifs, donc le 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est le mieux. Jeûner les 6 jours qui suivent le premier jour donc de Shawwal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Shawwal. Mais il est permis de les jeûner de manière séparée. De manière séparée, c'est permis, surtout le long du mois. On peut jeûner un jour, rompre pendant 3 jours, rejeûner 2 jours, rompre pendant 2 jours, rejeûner 3 jours, faire ce que l'on veut, du moment qu'une fois que le mois de Shawwal est terminé, on a donc jeûné les 6 jours. Et il faut calculer, Inch'Allah, le jeûne des 6 jours, en prenant donc en compte le fait que le mois risque de durer que 29 jours. Donc ne pas se dire qu'il va en durer 30. Parce que si jamais hein, on passe ensuite au mois suivant, donc Dhil Qi'da, qui est le mois après le mois de Shawwal, si on passe à Dhil Qi'da après le mois de Shawwal, après 29 jours de mois de Shawwal, bon ben c'est perdu là. Si on a fait 5 jours, c'est perdu. Donc il faut jeûner ces 6 jours, Inch'Allah, avant que finir au plus tard le 29, bi'iznillah, pour être sûr, Inch'Allah, d'avoir jeûné 6 jours pendant le mois de Shawwal. Et pour celui qui a du qada, qui doit rattraper des jours du mois de Ramadan, est-ce qu'il doit obligatoirement rattraper ces jours de Ramadan, donc avant de commencer ces 6 jours-là, ou bien il lui est permis de jeûner les jours de Shawwal avant le qada? Inch'Allah, il lui est permis donc de jeûner ces 6 jours de Shawwal avant de rattraper donc ce qu'il a comme journée de Ramadan. Car Aïcha radiallahu anha, comme elle le dit ici, dans ce hadith-là, « كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان » متفق عليه. Elle dit que elle avait donc des journées à rattraper du mois de Ramadan. Elle disait « Je ne pouvais pas les rattraper donc avant le mois de Sha'ban. Je ne pouvais pas les rattraper si ce n'est durant le mois de Sha'ban, en raison du fait qu'elle était au service du prophète alayhi salatu wassalam. » Mais il est quasiment impensable que Aïcha radiallahu anha ne jeûnait pas les journées de Shawwal. C'est la pensée prépondérante envers une femme aussi pieuse et qui était soucieuse d'appliquer donc la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'elle jeûnait les journées de Shawwal. Donc il ne faut pas penser que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit man sama ramadan, celui qui a jeûné le mois de Ramadan puis l'a fait suivre par 6 jours, ça veut dire qu'il faut obligatoirement qu'il ait complété, donc qu'il faut qu'il ait jeûné ces jours qu'il a rattrapés, non. Car celui qui sort du mois de Ramadan en ayant des journées donc qu'il a mangé, notamment par excuse, voyage, femme enceinte qui avait peur pour elle-même ou bien pour son enfant, femme qui allait, qui avait peur pour elle-même ou son enfant, etc. Avec les excuses qu'on avait vues dans le cours auparavant, il a jeûné en réalité le mois de Ramadan. Après l'Eid, le jour de l'Eid, on dit cette personne a jeûné le mois de Ramadan. Ce n'est pas parce qu'il lui reste des jours de Qada qu'il n'a pas encore la qualité d'être quelqu'un qui a jeûné le mois de Ramadan. Donc le hadith n'implique pas qu'il faut obligatoirement rattraper son Qada avant de jeûner ses 6 jours. Mais il est certain que c'est mieux. Celui qui a du Qada, ça prédomine sur le fait donc de jeûner les journées de Shawwal. Donc quand on disait que tout à l'heure les savants disent que c'est mieux de commencer le deuxième jour de Shawwal et de jeûner 6 jours consécutifs, bien sûr c'est pour celui qui n'a pas de Qada. Mais pour celui qui a du Qada, c'est mieux pour lui donc de jeûner son Qada dès le deuxième jour de Shawwal, car il faut qu'il innocente sa personne le plus rapidement possible de cette charge qui lui incombe, car il se peut que la mort lui parvienne. Il dit ensuite Ibn Qudama rahmatullah alayh. Donc toujours par rapport au mois de Shawwal, il a dit فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. C'est comme s'il avait jeûné donc toute l'année de manière consécutive. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ. N'a pas de jeûne celui qui a jeûné toute l'année. Donc il est interdit ou du moins détestable de jeûner de manière consécutive. De jeûner comme ça toute l'année. Quand on dit jeûner toute l'année, c'est enlever, c'est-à-dire de manière consécutive, sans rompre son jeûne. Sauf la nuit, bien sûr. Donc ça, c'est détestable ou bien interdit. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit que celui qui a jeûné donc le mois de Ramadan, puis l'a fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait donc jeûné toute l'année. Pourquoi est-ce qu'il a fait ressembler quelque chose qui est recommandé à quelque chose qui est détestable, voire interdit? Peut-il y avoir ressemblance entre une ibadah et une ma'asiyah? C'est une ressemblance simplement dans la récompense d'un jeûne donc de toute l'année, si jamais il y avait récompense de toutes ces journées, si elles étaient additionnées. Ça ne veut pas dire que la personne qui jeûne le mois de Ramadan, puis ensuite jeûne 6 jours, c'est comme s'il avait désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en jeûnant toute l'année. Donc, c'est la récompense d'un jeûne, donc de toutes les années d'une année lunaire. Et ça a été expliqué dans certaines versions où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, donc ces versions disent, que le mois de Ramadan a 10 fois sa récompense, donc c'est l'équivalent de 10 mois, et les 6 jours de Shawwal, ils ont aussi 10 fois leur récompense, donc c'est 60 jours, donc 2 mois, 10 plus 2 égale 12, 12 mois. Donc c'est dans ce sens-là que ça a la récompense d'une année complète. Il dit ensuite Ibn Qudama rahimahullah, wa siyamu yawmi Ashura kaffaratu sana. Et le jeûne du jour de Ashura est expiateur donc d'une année. Donc ceci est tiré d'un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui dit, donc an Aisha radiyallahu anha, d'abord le caractère légiféré du mois de Ashura, du jour de Ashura, il est tiré du hadith suivant. An Aisha radiyallahu anha qalat كان يصوم عاشوراء كان يصوم عاشوراء أي النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يوم عاشوراء عفوا كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه متفق عليه. Donc Aïcha radiallahu anha dit que le jour de Ashura était un jour que jeûnait Quraysh, que jeûnait Quraysh dans le Jahiliyyah, dans la période anti-islamique. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait. Et lorsqu'il arriva à Médine, il le jeûna et ordonna qu'on le jeûne. Et lorsque le jour de Ramadan, et lorsque le mois de Ramadan fut rendu obligatoire, alors il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui veut le jeûner, qu'il le jeûne, et que celui qui veut le délaisser, le délaisse. Hein? Celui qui veut peut le jeûner, celui qui veut peut le délaisser, unanimement reconnu authentique. Donc le jour de Ashura au début était un jeûne obligatoire, on avait vu cela. Et ensuite il y a eu le mois de Ramadan qui a été rendu obligatoire avec le choix possible de jeûner ou bien de nourrir un pauvre si l'on ne voulait pas jeûner. Et ensuite il y a eu la troisième étape qui était le jeûne du mois de Ramadan qui était obligatoire sans avoir le choix sauf excuse de pouvoir nourrir à la place donc de jeûner. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a recommandé le jeûne de Ashura et il en a donné aussi la récompense dans le hadith suivant an Abi Qatadata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم. أبو قتادة رضي الله عنه dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit le jour, donc le jeûne du jour de Arafah, donc là nous parlons pour l'instant de Ashura. Ce hadith-là va nous évoquer les deux jours. Il dit le jeûne du jour de Arafah, qui est donc le dixième jour, hein, qui est le neuvième jour de quel mois? De Dhul-Hijjah. Il dit le jeûne donc, du jour de Arafah, donc j'espère auprès d'Allah, hein, donc j'espère comme récompense auprès d'Allah qu'il pardonne l'année qui le précède et l'année donc, qui le suit. Et il dit quant au jeûne du jour de Ashura, qui est donc le dixième jour du mois de Al-Muharram, il dit j'espère auprès d'Allah comme récompense qu'il pardonne l'année qui le précède, rapporté par Muslim. Donc il expie une année ce mois, ce jour-là. Donc c'est vraiment un jeûne, Inch'Allah, hein, qu'il ne faut pas rater. Et beaucoup de personnes, notamment par leur faible lien ou bien par le fait qu'ils aient carrément coupé le lien avec la mosquée, ne sont parfois pas au courant de ces journées-là. Donc elle leur passe sous le nez et observer la récompense hein, donc ils perdent. Donc c'est une journée inshallah hein, qu'il faut vraiment inshallah surveiller pour pouvoir bihaoulillah et azza wa jal pouvoir jeûner. Et il est recommandé avec le jour de Ashura hein, donc cela n'a pas été cité dans le texte d'Ibn Qudama mais on le rajoute, il est recommandé de jeûner aussi Tasu'a, le neuvième jour hein, le neuvième jour d'Al-Muharram. Et ceci a été rapporté dans la Sunnah aussi du prophète alayhi salatu wassalam. Donc qui dit, donc an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala lamma sama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma ashura وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال فإذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وفي رواية لأحمد après Wassalam. Donc selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, donc ce hadith là nous montre qu'il est recommandé de jeûner avec le dixième jour de Ashura, le neuvième jour donc de Al-Muharram. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûna le jour de Ashura et qu'il ordonna de le jeûner, donc les gens lui dirent « Ô messager d'Allah, c'est un jeûne, donc c'est un jour que les juifs, donc et les chrétiens, c'est un jour auquel donnent de l'importance les juifs et les chrétiens. » Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, donc lorsque ce sera l'année prochaine, donc l'année prochaine, incha'Allah, nous jeûnerons le neuvième jour. L'année prochaine, nous jeûnerons le neuvième jour. Ibn Abbas dit, l'année suivante donc arriva alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était déjà mort. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam mourra avant donc l'année prochaine et donc il ne put jeûner le neuvième jour. Et dans une version de Muslim, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi', si jamais je reste vivant jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai. Je jeûnerai la asumanna. Le prophète alayhi salatu wa sallam a insisté par le lem, la asuman, et aussi le nun de tawkid, par le nun d'insistance. Certes, je jeûnerai le neuvième jour. Donc ici, il est clair qu'il a recommandé de jeûner le neuvième jour. Est-ce qu'il est makruh, comme disent certains, détestable de jeûner simplement à Ashura, sans ajouter un jour avant ou après? La réponse, Allah a'lam, c'est que non. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a toujours jeûné le dixième jour. Et il n'a jamais jeûné le neuvième jour avec. Certes, il a parlé donc de jeûner le neuvième jour l'année suivante, mais il est mort avant celle-ci. Mais tous les jeûnes qu'il a jeûnés, donc, n'étaient pas des jeûnes qui sont détestables. Donc le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, ait jeûné le dixième jour de manière indépendante, sans rajouter un jour avant ou après, montre bien que inshallah au minimum bien sûr c'est recommandé. Donc les degrés du jeûne de Ashura, quels sont-ils? Le premier degré le plus haut, c'est jeûner donc à Ashura, le deuxième jour de Muharram, avec Tasu'a, le neuvième jour de Al-Muharram. Ça, c'est le premier degré, c'est le meilleur. Deuxième degré, c'est jeûner seulement à Ashura. Seulement à Ashura. Et il n'est pas makruh, détestable de le jeûner de manière indépendante, wallah a'lam. Et certains ont rajouté un troisième degré et lui ont même donné la prédominance sur les deux autres, comme a fait Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, en disant que le premier degré le meilleur, c'est jeûner 9, 10, 11. Wallah a'lam, la sunna authentique ne préconise pas de jeûner le 11e jour. Il y a cette version, donc toujours du hadith que nous avons cité tout à l'heure d'Ibn Abbas, dans une version Soumou yawma Ashura, jeûnez le jour de Ashura, wa khaliful yahoud, et allez à l'encontre des juifs, wa soumou qablahu yawman wa ba'dahu yawman, et jeûnez un jour avant lui et un jour après lui. Mais cette version, elle est faible, Allah a'lam. Cette version, elle est faible. Donc il n'y a pas réellement de raison de jeûner le 11e jour. Même si on a mangé le 9e jour et qu'on a ensuite donc jeûné le jour de Ashura, rajouter le 11e jour pour aller à l'encontre des juifs, Allah a'lam, ce n'est pas recommandé, même si l'on dit certains, du fait que le prophète alayhi salatu wa salam, donc pendant toute sa vie, a simplement jeûné le jour de Ashura de manière indépendante. Mais il est recommandé de jeûner le 9, 10, 11 si jamais on n'a pas vu l'entrée du mois. Et là, par précaution, pour être sûr de jeûner le jour de Ashura, qu'il y a divergence, on n'est pas sûr. Certains disent que c'est le début du mois, d'autres que disent que non, je ne suis pas sûr d'être entré dans le mois. Alors, par précaution, je jeûne le 9, le 10 et le 11. Ça avait été le cas l'année dernière, si vous en souvenez. Il y avait une forte divergence sur le jour de Ashura, et certains ont jeûné le 9, 10, 11. Et Cheikh Ibn Baz avait fait une fatwa il y a de nombreuses années, sur une année insemblable où il y avait au sein même du pays divergence. Est-ce que la lune donc est entrée ou pas du mois d'Al-Muharram? Et il avait été donc émis comme fatwa de jeûner le 9, le 10 et le 11 par précaution. Comme ça, on est sûr, Inch'Allah, d'avoir jeûné le jour de Ashura. Wallah ahl. Il dit ensuite Ibn Qudama rahimahullah, وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. Et le jeûne du jour de Arafah donc est expiateur de 2 ans. Donc par rapport au hadith que nous avons cité tout à l'heure d'Abi Qatada, dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, j'espère par rapport au jeûne du jour de Arafah comme récompense auprès d'Allah qu'il pardonne donc l'année suivante et l'année précédente. Ensuite, il y a divergence. Est-ce que c'est une expiation des péchés grands et petits, ou bien simplement des petits? Donc, est-ce que Al-Kaba'ir et As-Sara'ir sont pardonnés, les grands et les petits péchés, ou bien simplement As-Sara'ir, les petits péchés? Fallah alam, la majorité des savants disent que c'est le petit péché. Et s'appuie sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffir ankum sayi'atikum. Si vous délaissez donc les grands péchés, de ce qui est, les grandes interdictions, kaba'ir ma tunhauna anhu, donc les grands péchés qui vous ont été interdits, yukaffir ankum sayi'atikum, il vous pardonnera alors vos petits péchés. Allah a'lam, il s'appuie donc la majorité sur ce verset là et d'autres disent que Allah a'lam, hein, les grands péchés aussi entrent dans le caractère général donc du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz, et ceci n'est pas trop pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa insha'Allah bihawlillah, nous espérons que aussi les grands péchés soient pardonnés, et Allah est plus connaisseur donc de la vie plus authentique. Est-ce que les grands et petits péchés sont pardonnés, donc tous deux, ou bien simplement que les petits? Allah a'lam. Il dit وَلَا يُسْتَحَبُّ بِعَرَفَةٍ وَلَا يُسْتَحَبُّ بِعَرَفَةَ أَنْ يَصُومَهُ. Et il n'est pas recommandé donc pour la personne qui se trouve à Arafah, donc là-bas dans les rites du pèlerinage, de le jeûner. Il n'est pas recommandé de le jeûner. Et les savants ayant dit donc cet avis-là se sont appuyés sur le hadith de Umm al-Fadl, le suivant, radiyallahu anha, elle a dit donc شَكُّ في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة متفق عليه. Donc les gens ont douté sur le jeûne du prophète عليه الصلاة والسلام, donc le jour de Arafah. Certains donc ont pensé que le prophète عليه الصلاة والسلام jeûnait, d'autres que non. Il y a eu doute à ce sujet-là. Donc elle a envoyé du lait au prophète alayhi salatu wassalam, Umm al-Fadl. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a bu alors qu'il était en train de faire son sermon à Arafah, unanimement reconnu authentique. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc ici, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a rompu son jeûne pour montrer aux gens qu'il était donc en état de rupture du jeûne. Donc ici, l'expression de Ibn Qudama, elle dit wala yustahabu, il n'est pas recommandé, donc ça c'est certain. Mais est-ce qu'il est détestable comme ont dit certains savants? Allah a'lam. Que c'est détestable, ça demande une preuve supérieure à celle-ci, soit une interdiction par la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ou une autre information que simplement le hadith d'Umm al-Fadl. Donc il n'est pas recommandé certes, mais que c'est interdit pour celui qui est Donc dans les rites du pèlerinage à Arafat de jeûner, Allah a'lam, une autre preuve doit être apportée pour pouvoir dire que c'est interdit. Ibn Omar radiallahu anhuma, comme c'est rapporté dans la parole suivante, il dit حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا أمرك به ولا أنهى عنه أخرجه الترمذي. Donc Ibn Omar, il a été questionné au sujet du jeûne du jour de Arafat pour celui qui est dans les rites du pèlerinage, donc là-bas à Arafat. Il a été questionné par un homme. Qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne l'a pas jeûné. Donc il n'a pas jeûné le jour de Arafat en étant là-bas. Et avec Abu Bakr, et il ne l'a pas jeûné. Et avec Omar, et il ne l'a pas jeûné. Et avec Othman. Donc j'ai fait le pèlerinage, il dit Ibn Omar, avec le prophète, avec Abu Bakr, avec Omar. Il dit ensuite avec Othman, et il ne l'a pas jeûné. Et moi je ne le jeûne pas. Radiallahu an. Il dit, et moi je ne le jeûne pas. Et je ne t'interdis pas, et je ne t'ordonne pas de le jeûner, et je n'interdis pas de le jeûner, rapporté par At-Tirmidhi. Donc Ibn Omar, il suivait le prophète alayhi salatu wa sallam, ainsi que les trois califes qui le suivaient, dans le fait de ne pas jeûner, mais observer. Donc il n'a pas ordonné à la personne qui est à Arafat de jeûner, car il ne veut pas ordonner quelque chose qui ne semble pas pour lui être recommandé ou bien obligatoire, mais non plus il ne veut pas interdire cette chose-là, car pour lui ce n'est pas interdit ou voire même détestable. Donc c'est pour ça que cette expression d'Ibn Qudama elle est très bien, et il n'est pas recommandé. Et il n'est pas recommandé de jeûner, mais on ne peut pas dire que c'est détestable, Allah a'lam. Et la raison pour laquelle les savants disent notamment que ce n'est pas recommandé de jeûner le jour de Arafat pour celui qui est là-bas, sur les lieux donc de Arafat, c'est pour pouvoir prendre des forces, pour pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, l'évoquer, faire ses prières et s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les conditions difficiles de Arafat sont connues, la chaleur de la péninsule arabique, les journées là-bas sont difficiles à supporter, notamment la température, il y a beaucoup de monde, donc il faut inshallah prendre des forces en mangeant et buvant pour pouvoir bien s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Qudama rahimahullah dit ensuite وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ الْأَيَّامِ الْبِيدِ, et il est recommandé de jeûner, et il est recommandé de jeûner les journées blanches. Mais en réalité ce ne sont pas les journées qui sont blanches, ce sont les journées des nuits blanches. Les journées des nuits blanches. Certains savants disent que c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala taba ala Adam alayhi salam wa Hawa, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala donc a accepté le repentir d'Adam et de Hawa, et donc il dit c'est ayyamul bid, c'est le jour donc des blanches, parce que c'était la journée où Allah subhanahu wa ta'ala a donc blanchi les parchemins de Adam et Hawa en effaçant tous leurs péchés, wallah a'lam. Mais ce qui est connu, c'est que c'est Ayyam ou Layal il-Bid. Ce qui est sous-entendu, c'est les journées des nuits blanches. Pourquoi? Parce que c'est la pleine lune. À ce moment-là, donc le ciel est éclairé par la lune. Et cette luminosité fait qu'on caractérise ces nuits-là comme étant blanches. Donc il est recommandé de jeûner ces journées-là. Quelles sont-elles? Ce sont le 13e, 14e et 15e jour des mois lunaires. Des mois lunaires. Donc ce n'est pas le 13, 14, 15 janvier. Comme certains pensent. 13, 14, 15 février, 13, 14, 15 mars. 13, 14, 15 de chaque mois lunaire. De chaque mois lunaire. Donc il recommandait de jeûner ces jours-là. Et ceci est rapporté dans la sunna, dans le hadith suivant. An Abi Dharrin, radiallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Aba Dharr. إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أحمد النسائي والترمذي. أبو ذر رضي الله عنه دي que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم دي أو أبو ذر أنا عربي دي يا أبا ذر parce que أبو ذر أبو c'est un مضاف ذر c'est le مضاف إليه quand il est en position de nasb, et ici c'est un munada, donc c'est une expression d'interpellation, la personne est interpellée, et quand il y a un annexé et un annexant, on met en position de nasb, en position de nasb, donc le mudaf, qui est abou. Donc ça, son signe de rafa, c'est le waw, abou, on dit ja'a abou dharrin, abou dhar est venu. Ici il est fa'il, donc il est marfou'a alamatu rafa'i, al-waw niyabatan ani dhamma. C'est le waw, ici qui est son signe, donc de rafa, de position de rafa. Là il est en nasb, ya aba dhar. On ne dit pas « Ya Abu Dhar »,« Ya Aba Bakr », on ne dit pas « Ya Abu Bakr »,« Ya Aba Huraira », on ne dit pas « Ya Abu Huraira ». D'accord ? En position de nasb. Donc le mudaf ici prend un alif à la place du waw. Car le waw de Abu Dhar, Abu, quand il est en nasb, il prend un alif. Et quand il est en position khafd ou bien jar, il prend un ya. D'accord ? « Marartu bi Abi Dhar ». Je suis passé devant Abi Dhar. Marartu bi. Bi, c'est un harfu jar. Donc ça implique une position qui est le jar. Marartu bi Abi Dhar. Donc on met un ya à la place du waw. Et ici, comme c'est un munada, on met un alif à la place du waw. Ya Aba Dhar, idha sumta min ash-shahri thalatha. Si jamais tu jeûnes 3 jours dans le mois, alors jeûne le 13. Le 14 et le 15, rapporté par Ahmed al-Nasa'i et Tirmidhi. Donc ici, il est clair que les meilleures journées à jeûner lorsqu'on jeûne 3 jours, c'est le 13, 14, 15. Car le jeûne donc de 3 jours, il est recommandé de manière absolue. هكذا مطلقاً يستحب أن يصام ثلاثة أيام من كل شهر. Il est recommandé de jeûner 3 jours de chaque mois. Comme a rapporté Abu Huraira radiyallahu anhu. أوصاني خليلي بثلاث. Donc mon bien-aimé, le prophète عليه الصلاة والسلام, m'a conseillé trois choses. Qu'a dit Abu Huraira? Il a dit بركعتي الضحى. Il m'a conseillé de faire donc les deux unités de Doha. وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. Et de jeûner 3 jours de chaque mois. وأن أوتر قبل أن أرقد. Et de faire mon unité de prière de witr avant de dormir. Mais là, c'est spécifique pour la personne qui est occupé et qui a peur de ne pas se réveiller avant le fajr, en ayant le temps de faire son witr avant le fajr. Donc il a peur de dormir jusqu'à l'éden du fajr. Donc c'est le Abu Huraira était quelqu'un d'occupé à écrire le hadith jusqu'à tard dans la nuit. Donc le prophète alayhi salatu wa salam lui a conseillé de faire son witr avant de s'endormir. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a conseillé de manière absolue de jeûner 3 jours. Est-ce que donc ces 3 jours-là qu'a conseillé le prophète alayhi salatu wa salam à Abu Huraira, c'est les 13, 14, 15 ou bien ce sont 3 jours de manière absolue? Certains savants disent que c'est 13, 14, 15. C'est les journées des nuits blanches. Mais Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam jeûnait parfois 3 jours en début du mois, 3 jours au milieu du mois, 3 jours à la fin du mois. Mais il est certain que les meilleures journées, si je ne peux en jeûner que 3, ce sont 13, 14 et 15. Wallahu a'lam. Il dit ensuite, Ibn Qudama rahimahullah, wal ithnayn wal khamis, et il est recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Donc le lundi et le jeudi sont aussi des journées qui sont recommandés, dont le jeûne est recommandé. Et on trouve cela dans la sunnah, dans le hadith suivant, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a qal, tu'aradu al-a'malu kulla thnayni wa khamis, fa uhibbu an yu'arada 'amali wa ana sa'im, rawahu Ahmad wa al-Tirmidhi. Abu Hurairah radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres sont présentées donc à Allah tous les lundis et jeudis, chaque lundi et jeudi, et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je suis en état de jeûne, rapporté par Ahmed al-Tirmidhi. Donc imaginez, mes chers frères, que le lundi et le jeudi, nos œuvres sont présentées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est important d'y penser, subhanallah. Combien de fois on oublie cela? Sache, ya akhi, que le lundi, tes œuvres, tes paroles, tes actes, Quand on dit parole d'acte, parole et acte, parole du cœur, acte du cœur, parole de la langue, acte de la langue, toutes ces choses-là sont présentées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sont présentées à Allah azza wa jalla le lundi et le jeudi. Donc c'est important, subhanallah, de prendre conscience de cela. Et regardez le prophète alayhi salatu wa salam, il voulait, alaykum salam, que lors de cette période, lundi et jeudi, un moment pendant lequel les œuvres sont présentées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait être en état de jeûne. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous permette d'être réellement sur la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam et de se cramponner à ce jeûne-là, le jeûne du lundi et du jeudi. Et est-ce que donc ces deux journées-là sont équivalentes ou bien l'une des deux est meilleure que l'autre, hein? Allah a'lam, le lundi est meilleur que le jeudi. Donc si une personne ne peut jeûner qu'une des deux journées, qu'elle donne la priorité au lundi. Car le prophète alayhi salatu wa sallam a donné donc des qualités spécifiques au lundi qu'il n'a pas donné au jeudi. On les trouve dans le hadith suivant. An Abi Qatadata radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam su'ila an sawm yawm al-ithnayn fa qala dhaka yawmun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Donc selon Abu Qatada radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet du jeûne du jour, donc au sujet du jeûne du lundi. Il répondit alayhi salatu wa sallam, c'est un jour où je suis né. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam est né un lundi. Wa unzila alayya fi, et donc j'ai reçu la révélation le lundi. Sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est rapporté par Muslim. Donc il a reçu sa première révélation un lundi, sallallahu alayhi wa sallam, et il est né aussi un lundi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour cette raison, Allah a'lam, le jeûne du lundi est meilleur que celui du jeudi, mais c'est si jamais on ne peut en faire que, si jamais on ne peut faire que le lundi et pas le jeudi, alors à ce moment-là, le lundi prend priorité. Mais à la base, ce n'est pas une sunna de faire le lundi, Allah a'lam, et de délaisser le jeudi, ou Allah a'lam, ils vont de pair. Celui qui peut faire que le lundi ou que le jeudi, khair, bi'idhnillah. Donc on va s'arrêter là, inshallah, concernant ce chapitre-là. Il reste la moitié. Ensuite, il y aura d'autres règles qui seront citées. Il va parler aussi des jeûnes qui sont interdits. On s'arrête là, bi'idhnillah, et on reprendra au prochain cours la suite. Et il nous restera la porte de l'i'tikaf, inshallah, sunna, qui est fortement délaissé aujourd'hui par beaucoup de gens, et bonheur à celui qui l'a fait revivre et qui essaie de, notamment pendant les 10 derniers jours, faire les atikaf, se retirer dans une mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite cette chose-là, bihaulillah azza wa jal. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.